Alors, pour la plupart des verbes gogo, si vous voulez donner un ordre affirmatif à quelqu'un que vous tutoyez, c'est très simple. Il suffit d'enlever le go. Donc, dis-moi, ça sera... Dis ça? Dis-moi. Mais dis ça? Ah, non, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que c'est ce ça? Eh bien, je suis parti de dissé. Mm-hmm. J'ai remplacé dissé par... Non, il vous faut purement et simplement supprimer cette syllabe. Vous partez de digo. Vous supprimez la syllabe go et vous obtenez... Ah d'accord, di. C'est ça, hein? Juste di, di. Et donc, dis-moi, ça sera... Dime. Oui, alors, si vous voulez dire dis-le-moi... Dimelo. Dimelo, oui, hein? Dimelo. En revanche, ne me le dis pas, ça sera... No me lo digas. D'accord, encore une fois? No me lo digas. No me lo digas. Et ne me le dites pas, hein? Cette fois, vous vous adressez à ustedes. No me lo digan. C'est ça, hein? No me lo digan. Mais, pour le tutoiement, avec la plupart des verbes gogo, il vous suffit de supprimer la syllabe go. Alors, encore une fois, dis-le-moi. Dimelo. Dimelo, oui. Hein? Dimelo. Et viens avec moi. Ben? Tout à fait. Ben. Hein? Ben. Ben conmigo. Hein? Ben conmigo. Ben conmigo. Bien. Et si vous voulez dire « et », comme dans « et confiance », et un peu de patience, etc. Alors, et, ça sera ten. Ten. Mmh, très bien. Ten. Et donc, et confiance. Hein? Comment dit-on confiance? Confianza. Confianza. Confianza. Hein? Confianza. Hein? Tout à fait. Alors, et confiance. Ten confianza. Encore une fois. Ten confianza. D'accord. Ten confianza. Et pose-le ici. Ponlo. Ponlo, oui, ici. Aquí. D'accord. Hein? Ponlo aquí. Et ne le mets pas ici, hein? Mets-le là. No lo pongas. No lo pongas. Oui, d'accord. No lo pongas. No lo pongas aquí. Hein? Il faut entendre clairement le S final. Hein? No lo pongas. Hein? Pongas. Hein? Alors encore une fois, comment direz-vous ne le mets pas ici? No lo. No lo pongas aquí. No lo pongas aquí. Oui. Hein? Mets-le là. Ponlo allí. Bien. Ponlo allí. Donc, no lo pongas aquí. Ponlo allí. Et si vous voulez dire « sort », ça sera « sal ». « Sal », c'est ça, « sal ». Et « ne sort pas » ?« No salga... no salga... » »« No salgas hein, ». Il faut bien prononcer le « s » final. « No salgas ». Et « ne sortez pas hein, », vous vous adressez à « ustedes ».« No salgan ». D'accord, « no salgan ».